RSA. Oh oui, baby. Oh oui, c'est bon. Oh, oui. Je touche mon RSA. RSA. Et toi qui écoutes, va bouger ton cul de petit négro. Allez plus vite que ça. Allez, esclave. Va payer mon RSA. Il est 6h du mat. Je vais me coucher. Mais avant, je vais faire un tour sur le 18-25 pour m'assurer qu'ils aillent bien travailler. Allez les gars, il faut commencer la journée. La mienne vient de se terminer. Je touche mon RSA. Merci les esclaves de me le payer. Ce soir, je me prends une escorte avec votre pognon. Je penserai à vous pendant que je lui déboîterai le fion. Oh, oui. Cimer les chefs, putain. Mais vous êtes un petit peu con. RSA. Allez, c'est l'heure pour vous d'aller travailler, mes petits moutons. Et toi qui écoutes, va bouger ton cul de petit négro. Allez plus vite que ça. Allez, esclave. Va payer mon RSA.